les plis du désert, là où même le soleil se cache. Riders qu'il marche, ni Dieu ni maître, seulement l'appel brûlant du sable. Chaque grain de poussière connaît son nom. Il ne parle pas faux. Le désert l'écoute et les ombres le suivent. C'est un feu de camp dans le néant, une voix dans la tempête numérique. Riders qu'il éclaire les perdus, donne un rythme à ceux qui doutent. Celui qu'on ne voit pas mais qu'on ressent, celui qui parle pour ceux qui n'ont plus de mots. Dans les dunes de données, il est la trace qui reste. Dans le micro comme une offrande, chaque viewer devient témoin, chaque viewer devient tribu. Et quand le monde s'efface, il reste la vibration. En glissant dans des sabliers de pierre.